Et il est 9h sur Fadjet, on entame ces 30 heures de radio non-stop. Et oui, c'est parti pour 30 heures de direct non-stop, 30 heures pour fêter les 30 ans de notre jeune, belle et dynamique radio associative, mais aussi Maison Fadjet. Parce que même si ce n'était pas le slogan d'origine, depuis 30 ans, Fadjet, c'est plus qu'une radio. 30 heures au travers desquelles vous pourrez revivre les temps forts de Fadjet, entendre ou réentendre ceux et celles qui ont fait et font vivre encore aujourd'hui notre projet associatif, et ce depuis 1985. 30 heures aussi pour fêter 30 ans d'ondes solidaires. Alors c'est vrai, avec Flo, c'était un peu l'intitulé choisi pour cet événement de clôture de nos 30 ans, il y a à peu près un an. Et bien sûr, à l'époque, on n'imaginait pas une seconde que les tragiques événements de vendredi se produiraient. Non, ça c'est sûr qu'on ne peut pas imaginer quelque chose que pareil. Exactement. Donc c'est sûr que pendant toutes ces 30 heures, ça fait une semaine que ces événements se sont passés, nous allons bien sûr avoir une pensée et nous resterons solidaires pour toutes les victimes des attentats de Paris et de leurs proches, bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui sont victimes de par le monde de violences. Tout à fait. Je crois que chaque heure, on aura une pensée pour eux. Alors, ça va être assez simple sur le concept par rapport à ça. On va faire la rétrospective chaque année des événements marquants. Alors, des événements chaque année, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Donc, ça sera l'occasion sur les 30 dernières années de faire le point de toutes les victimes, de toute nature que ce soit, et aussi, évidemment, des bons moments sur les 30 ans qui se sont écoulés. Et puis, c'est vrai qu'à Fadjet, on est convaincu qu'une des réponses à ces horreurs, c'est vraiment de continuer à vivre la rencontre, la convivialité, dans le respect des différences, même si ce n'est pas toujours simple et si c'est risqué, mais c'est aussi ça la vie. Et c'est un petit peu ce que nous allons vous proposer de vivre aussi durant ces 30 heures, puisque vous êtes chaleureusement invités à venir nous rejoindre dans les studios, bien sûr pour écouter des émissions en direct, mais aussi simplement pour parler, pour partager un café, un bout de gâteau. C'est vraiment ce qu'on souhaite vivre au quotidien dans cette maison. On souhaite vraiment qu'elle soit la plus ouverte possible et qu'elle puisse accueillir des publics les plus divers possibles, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours. Alors, durant ces 30 heures, c'est plus d'une centaine d'animateurs qui vont se relayer. Il y a un animateur responsable pour chaque heure, donc 30 heures. Et puis, il y a ces animateurs bras droit, on va dire. Donc, effectivement, au total, on est bien plus d'une centaine. Voilà, donc c'est clair que le programme, c'est celui-là. C'est 30 heures de direct, de la diversité, des émissions un peu différentes. Le programme de la matinée, tu peux nous le dire en quelques mots, là, jusqu'à midi. Allez, on va faire un petit tour. Je pourrais même carrément vous donner le programme de la journée, mais c'est bien plus, puisqu'on est ensemble pour 30 heures de direct, je vous le rappelle. Alors, nous, on va vraiment faire la présentation sur les 30 heures. On va reparler de l'origine de Fadjet. Mais ensuite, on aura des émissions thématiques avec Demain de Maître, présentées par Olivier sur l'artisanat d'art. Ensuite, on aura une heure de Crazy in Fadjet. Ça sera l'émission qui va vous détendre avec des news positives. Ensuite, une émission emblématique de Fadjet, c'est Tiziri, vous connaissez sûrement. Et puis après, il y aura La Ménagerie, L'œil du Paf, Bienvenue chez Swan, ces émissions emblématiques également. Et puis, un petit rendez-vous qui, pour moi, est intéressant, notamment par tous ceux qui sont intéressés par le journaliste, parce que Fadjet a aussi eu dans ses rangs des journalistes qui sont à l'heure actuelle très confirmés, comme Gillane Barret, Olivier Bost, Sarah Coton, plein d'autres. Et évidemment, on les a invités à nous dire un petit mot pour ces 30 ans. Bon, vous le voyez, il y a beaucoup de choses. Cette nuit, par exemple, il y aura des DJ sets électro avec, par exemple, Davy et son émission. Il y aura Gauthier, DJ Guevara, Party Time, Transpassion, Club Sensation, beaucoup de choses. Et puis, ça va être très long si je vous fais tout le topo, mais il y a énormément de choses. Je vous invite à aller voir sur Facebook. Là, vous pourrez avoir une vue d'ensemble. Là aussi, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur le site internet aussi. Et puis aussi, grâce à la webcam installée, je crois. C'est vrai que ça, voir, c'est... même en direct, c'est et assez en exceptionnel. Image, c'est la magie aussi de la technique aujourd'hui. C'est assez exceptionnel. Et si vous voulez aller voir, justement, pour avoir le lien, rendez-vous sur Facebook, puisque le lien, il sera mis dans quelques instants. Et ça peut être intéressant de faire de la télé à la radio. Ça peut être rigolo, au moins, cette fois-ci. Exactement. Alors, avant d'écouter une première musique et d'actionner la machine à remonter le temps qui va nous transporter en 1985, je voulais te dire un énorme bravo et merci, Florent, parce que c'est toi qui as coordonné la mise en place de ces 30 heures et c'est un super gros boulot parce que depuis des mois, tu essayes de retrouver des sons d'époque correspondant à chaque année et c'est un sacré boulot. Tu prends contact aussi avec tous les grands témoins, des gens qui pourraient parler de chaque année. Et je vous assure que c'est un boulot immense. Tu le fais dans la joie et la bonne humeur, en lien avec l'équipe, les animateurs. Donc vraiment, sincèrement, avant de lancer vraiment ces 30 heures, merci à toi, Florent, pour ce boulot-là. Ben c'est avec plaisir, et quand c'est dans la bonne humeur, avec une équipe aussi sympa que celle de Fadjet, franchement, ça pose aucun problème. Eh ben, on écoute un petit peu de musique, histoire de nous mettre dans l'ambiance, histoire de nous amener tout doucement à la première année de Fadjet, année de création 1985, et de retrouver notre grand invité d'honneur. Eh bien, on écoute Michael Jackson avec We Are The World, une chanson qui est sortie en 1985 et qui a été vraiment l'emblème de cette année. There is a time when we should heed a certain cause, 'cause the world, it seems, it's right in this line. 'Cause there's a chance we're taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel I should give away my heart. Dying there, and it showed that we was heeding us there. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a chance we're taking. Someone cares, 'cause you know that they can't feed them all. Then I read the paper, and it said deep in night, and it shows the certain we will call. Make a brighter day. Michael Jackson et USA for Africa, c'était une chanson qui était sortie dans le but de pouvoir contrer la famine en Éthiopie en 1985. En 1985, on avait également aussi ce jingle sur Fadjet. Qui pleuve, qui neige, qui vente, plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto, Fadjet 94.2, c'est toi ma radio. Ça y est, la machine à remonter le temps nous a déposé en 1985, année essentielle, parce qu'année de la création de Fadjet. Et pour nous en parler, pour nous dire comment est né ce projet un peu fou, il faut bien le dire, j'ai l'honneur et l'immense et la vraie joie d'accueillir celui sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, sans qui nous ne pourrions pas vous parler, à savoir le père fondateur de Fadjet, j'ai nommé Guy Lescanne. Bienvenue Guy, bienvenue. Bonjour dans la Fabienne. Maison Fadjet, oui. Dans ta maison Fadjet. Comment ça va 30 ans après? Très bien. Ça ne rajeunit pas, mais c'est tellement beau de pouvoir faire un peu d'histoire, notre histoire. Et puis j'espère que beaucoup d'auditeurs se diront, mais moi aussi j'ai une histoire avec des hauts et des bas, comme disait Florent il y a un instant, et comme tu le redisais, avec des hauts et des bas, mais cette histoire-là, elle est belle et elle a plein d'avenir. Alors raconte-nous justement comment est né Fadjet. C'est parti de quoi? Parce que je crois qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément le point de départ de la radio qu'ils écoutent tous les jours. Et certains de nos animateurs peut-être aussi, même si on essaye de leur rappeler régulièrement. Pour naître en 85, il faut une gestation, il faut 9 mois. Et c'est-à-dire ça a démarré en 84 avec le désir qu'il y avait de toute une équipe. Un fondateur, il n'est jamais tout seul. Jamais. C'est vraiment J'étais une équipe qui a démarré. J'étais sûr. Oui, et ça a démarré avec un week-end avec des jeunes des lycées professionnels de Nancy. J'étais à ce moment-là avec d'autres aumôniers des lycées professionnels de Nancy. Et puis on se retrouvait au Vic, une commune dans les Vosges. Puis un week-end très sympa et on se disait, mais allez, on redémarrait pour que des jeunes aient la parole et que des jeunes qui ont moins la parole que d'autres puissent prendre la parole et donner la parole à d'autres. Une idée vraiment folle est née. Alors là, vraiment, je ne pourrais plus dire qui. Et une idée à table, à un moment. Pas de toi. Oh, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Je te promets, j'en sais rien. C'est pas de la fausse humilité. J'en sais rien. Mais c'était de se dire, mais si on créait une radio. Bon, bah, c'était délire un peu. Et à ce moment-là, on était à table et une table à côté de nous. C'était très simple. Des gens qui nous ont dit, je vous entends. C'est beau votre projet. Écoutez, je vais vous offrir un émetteur. Et puis on s'est dit, c'est génial, ça c'est vraiment un coup. Ah ben ça vraiment, ça, vraiment chance, des, oui. Heureux comme tout, tu sais, heureux comme tout de pouvoir se dire, ça y est, on va avoir le cadeau d'un émetteur. Mm-hmm. Et puis Gilles dans l'équipe, il est ingénieur à ce moment-là, j'espère qu'on va le retrouver dans ses 30 ans parce qu'il a été vraiment quelqu'un de très important, c'est pas le seul. Il y avait Thierry, il y avait Gilles et il y avait d'autres qui étaient là autour à ce moment-là. Et on s'est dit, ça y est, on démarre. Et donc on a préparé, puisqu'on savait qu'on avait un émetteur, on a préparé. On a eu pas mal de réunions. Florent, c'est quelque chose. Quand on prépare quelque chose, ça prend du temps. Hein. Ça prend énormément de temps, mais c'est toujours quelque chose qui fait plaisir et qui qui rentre pas comme dans le cadre du travail, qui rentre dans le cadre d'un projet qui mêle des gens et qui donne envie de le faire. Donc tu comprends, et les auditeurs doivent comprendre aussi, qu'à ce moment-là, on était parti vraiment pour se dire, allez, on fait les deux premières heures, pas 30 heures, hein, les deux premières heures d'émission. Il fallait trouver un lieu. On s'est dit, mon bureau, ça serait pas mal. Mais il y avait des questions de fil électrique. Je ne pourrais pas te dire ça, il faut des gens plus compétents que moi pour pouvoir l'expliquer. Il y avait des questions de fil électrique et finalement, ça a été ma chambre et une grande table. Il y avait une grande table dans ma chambre et ça a été notre premier studio. Et le premier, vous pouvez imaginer, le premier porte-micro, ce n'était pas un beau comme, alors je ne sais pas si la webcam peut le montrer là actuellement, les beaux porte-micro qu'on a, télescopiques, etc. Non, c'était ma corbeille à papier et dessus le micro. Il n'y avait pas encore, on commençait tout juste les CD, mais il y avait très peu de CD, donc c'était une belle platine micro-sillon qui y était, sur la table. Que l'on a toujours, bon ça ne doit pas être exactement la même, mais on en a quand même une. Et il y avait la possibilité de pouvoir comme ça démarrer, vraiment démarrer. Et puis Gilles a dit, il faut tout de même que j'aille chercher dans le PO. Allons, oui, il faut que j'aille chercher l'émetteur. Et je le revois encore revenir avec une mine complètement défaite et m'expliquant, tu sais, si on nous avait offert une boîte à chaussures, ça aurait été exactement la même chose parce que c'est un émetteur de la guerre. Ça n'a rien à voir avec un émetteur pour passer une radio. C'est-à-dire que c'est énorme déception tout autour avec tous ces jeunes qui avaient préparé. Ben, on ne pouvait pas faire. Mm-hmm. Oui, ça veut dire que c'est un projet qui même n'aurait peut-être pas pu voir le jour à un moment donné s'il n'y avait pas eu un concours de circonstances. Alors parce que après ça, il y avait le projet, il y avait les émissions qui étaient prêtes, et puis il n'y avait pas la technique pour pouvoir le faire. Et on a cherché partout. Alors des coups de fil partout avec des copains et aussi on a actionné les réseaux comme on peut. Et finalement, on est tombé sur la radio de la CGT de Neuf-Maisons. Alors j'entends encore son coup de fil. Quand il me répond, il me dit « On a déjà entendu parler de vous, Pierre Guy. Mais si je m'attendais un jour, me disait le syndicaliste au bout du fil, si je m'attendais un jour, moi, de la CGT, à prêter mon émetteur à un curé pour démarrer une émission de radio, et puis il a rigolé, et il nous a prêté pour un mois. Et donc, on a pu aller jusqu'à Noël, donc Noël 84, et c'est là la gestation de la première, avant même qu'on arrive à démarrer vraiment un studio, on a démarré nos toutes premières émissions à ce moment-là. Ça a démarré et on a eu un coup de téléphone, un seul. C'est de la famille d'un prisonnier, Charles III. La prison Charles III était à ce moment-là tout à côté. Et on a eu une visite. C'était quelqu'un qui travaillait au centre, qui était au centre Saint-Sébastien. Et dans ses écouteurs, il a entendu. Et c'était notre premier auditeur. Je ne suis pas sûr qu'on en ait eu beaucoup d'autres les premiers jours. Et bien voilà, le démarrage de la folle aventure Fadjet. Hein, donc je pense que peut-être que beaucoup ne s'imaginaient pas que c'était né dans ces conditions-là, qu'il fallait des gens motivés, passionnés, tu l'as dit. Et comme tu pas dis, tout des seul. Gens. Oui, des gens, ouais, des gens, on des le répétera. Gens, ouais. Et pas mal de grands témoins le répéteront tout au long de ces 30 heures. C'est vrai qu'on avance en équipe depuis le début. Juste une anecdote encore, s'il te plaît, c'est un moment... C'est ma première grosse bêtise à l'antenne. Il ne faut jamais faire des choses comme ça. La salle. Non. C'est un blanc d'antenne. Il y a un moment, ça a été blanc. Et pourquoi c'est de ma faute? C'est tout simplement parce que j'ai posé mon coude un peu fort sur la table quand j'étais en train d'interviewer quelqu'un et que le micro-sillon s'est relevé et qu'on a été un peu paniqué à un moment et qu'il n'y avait plus de son, qu'il n'y avait plus rien. Et qu'il a fallu apprendre à se dire, un blanc d'antenne, ça se corrige. Avec le sourire, on s'excuse auprès des gens. Mais j'ai mis quelques secondes à le faire. Mais Pergui, blanc d'antenne. Oui. Ça m'est encore arrivé il y a deux semaines de faire un blanc d'antenne. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Et même au pire. Parlons des meilleurs. Bien sûr, évidemment. Et moi, pour ma part, pour rejoindre l'anecdote, c'est simplement l'invité qui avait éteint le micro en le passant au suivant. Et je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Donc voilà, ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. Et ça fait partie aussi de l'aventure radiophonique, je pense. Donc, du direct. On va faire très attention, guillemets le coude. Voilà. Donc, fais attention, voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, on voit que c'est une aventure où il y avait de la passion. Elle a démarré comme ça, où il y avait de l'enthousiasme, où il y avait des gens différents, tu le redis, avec tous ces gens qui n'imaginaient pas un jour prêter leur conseils et puis prêter aussi des choses très pratiques pour un démarrage d'un projet comme celui-là. Et puis tu l'as dit tout au début, c'était un projet tourné vers les jeunes. Tourné vers les jeunes et pour que les jeunes non seulement puissent prendre la parole, et en particulier ceux qu'on entendait le moins, et puissent en même temps, eux, donner la parole. Mm-hmm. Pour nous chrétiens, mais on n'est pas les seuls, dans l'initiative même de la radio, d'une aumônerie. FA, c'est fréquence aumônerie. JET, c'est le jeune de l'enseignement technique. Mais FA, ça veut dire radio musicale. Et JET, ça veut dire aller en décolle. Mm-hmm. Bon, dans ce projet-là, c'était vraiment de se dire notre foi, pas simplement en Dieu, notre foi en l'homme, et notre foi avec Dieu en l'homme, nous fait dire que les plus petits, ils doivent avoir la première place. Et puis, tu le redisais, c'est né dans les lycées techniques, avec des jeunes des lycées techniques qui, effectivement, avaient peu la parole à cette époque-là. Hein, et continuent à peu l'avoir. Et qui donnaient la parole à d'autres. Exactement. Et qui donnaient la parole à d'autres. Alors, Fadjet, tu viens de donner la signification. Mais dis-nous comment vous êtes arrivé à trouver ce nom Fadjet, qui est quand même un nom assez sympa, qui 30 ans après, est sympa encore à entendre. Comment vous en êtes arrivé à trouver ce nom-là qui redit bien le projet? Tu le disais, fréquence aumônerie des jeunes de l'enseignement technique. Je me souviens que c'était autour d'une table. Je me souviens qu'il y avait Jean-François, des jeunes de Sifflet. Je me souviens qu'il y avait, si ma mémoire est bonne, Thierry, qu'il y avait Gilles, qu'il y avait Pascal, qui était animatrice à ce moment-là, etc. Il y avait autour de la table, peut-être qu'il y avait Kat qui y était aussi. Donc, je vois autour de la table et on a cherché. Et le premier nom de Fadjet, ça n'a pas été Fadjet. ça a été Radio des Aumôneries Techniques. Alors, on cherchait, et puis faisait, ça fait RAT, raté, la radio qui n'est pas ratée, tu vois. Ça a c'est été pas nos, génial, nos on a trouvé que c'était franchement, qu'est-ce qu'on a rigolé à ce moment-là. Et donc, c'était les premiers mots, puis après ça, tout de même, on s'est dit, c'est pas génial. Mais ça a été déjà sympa, c'est ce brainstorming, c'est-à-dire d'arriver à chercher ensemble. Et après ça, il y a eu vraiment l'idée, parce que c'était une fréquence de l'aumônerie, que des chrétiens avaient eu cette initiative-là, parce que c'était pour les jeunes de l'enseignement technique, et qu'après ça, alors là, de la même manière, vraiment, il n'y a aucune fausse humilité de ma part, je ne suis vraiment pas du tout sûr que ça soit moi, et si c'est moi, ce n'est pas moi tout seul, de la même manière, on l'a trouvé ensemble, c'est dire, femme, mais bien sûr qu'il y a une radio musicale, et qu'on peut exprimer tellement de choses par la musique, et des choses tellement fortes, y compris de solidarité, quand tu évoquais les événements qui viennent de se passer à Paris, mais aussi tout ce qui se passe dans le monde. La musique a une telle force, dans un sens comme dans l'autre, mais on peut en faire une force de communion, de rencontre avec d'autres. Et puis, Jet, on a tellement envie que des jeunes puissent décoller. Et dès le départ, je crois que la radio a été une entreprise d'insertion avant même d'avoir ce titre-là reconnu. De quoi tu es le plus fier, toi, dans tout ça, dans cette aventure ? Fier, c'est que le mot le plus fort, c'est de confiance. Pour moi, c'est un mot qui est très lié à la foi, c'est de confiance. Je suis admiratif des gens qui m'ont fait confiance. Je te racontais, le premier prêt de l'émetteur, mais toute cette équipe. Et puis, je suis très heureux d'avoir su faire confiance et d'avoir été si rarement déçu par la confiance donnée. Ça fait mal quand la confiance, elle est blessée. J'ai été si rarement déçu que ça m'a donné de plus en plus le désir de faire confiance. Et que si la radio a construit des personnes, je fais partie de ceux-là, de ceux qui ont été construits, et pas seulement de ceux qui ont aidé à d'autres à se construire. Merci Guy. Alors, tu nous disais tout au long de ce récit de la création de Fadjet, j'étais pas tout seul. Voilà. Et on va réentendre et on va entendre un des cofondateurs de Fadjet. À mon avis, ça va te faire un super plaisir de l'entendre. Il se prénomme Thierry Vincent. Je l'ai nommé tout à l'heure. Exactement. Ouais. Et vraiment, c'est un des piliers de la création de Fadjet. Et avec Gilles. Dans les tout premiers. Alors, Gilles, on l'entendra dans l'heure suivante. Ouais, et il sera en direct d'ailleurs. Gilles. Et puis, vous lui direz un grand bonjour de ma part, parce que je serai dans un autre direct. Mais c'est vraiment. Et Thierry et Gilles, je crois, avec la force de pouvoir dire, eux-mêmes, ils vont me dire Mais non, on n'était pas tout seul. Il y avait aussi Kat, il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, je mélange un peu les visages. Gilles et Thierry, je suis sûr, ils étaient dès le départ. Et il y a un Jean-François aussi qui était dès le départ. Il y a une Pascale qui était dès le départ. Et puis, il y a un Alexis qui était dès le départ, et ses parents, et j'y pense beaucoup à eux et à beaucoup d'autres. Eh bien, on pense à tous ceux qui étaient à l'origine de ce beau projet. On écoute tout de suite Thierry, c'est Florent qui l'a enregistré il y a quelques temps, parce qu'il ne pouvait pas être en direct, même par téléphone, et il va nous raconter, il y a quelques similitudes avec ce que tu nous disais, c'est pas un hasard, je pense, voilà, comment il a vécu, lui, le démarrage de cette aventure. Thierry Vincent. Bonjour Thierry Vincent, vous êtes l'un des pères fondateurs de Radio Fadjet. On aimerait comprendre comment vous avez lancé ce beau projet. Écoutez, ça a été à replacer dans le contexte de l'autorisation qui a été donnée début des années 80 aux radios FM. Et donc nous étions engagés dans les actions d'aumônerie, d'enseignement public, tournées vers les jeunes résolument et sur ce qui les intéressait, sur ce qui les faisait vivre. On a tout de suite été engagés aussi sur un projet de radio. Quelles sont les démarches à mettre en place pour pouvoir lancer un projet d'une telle ampleur, un projet qui a duré 30 ans? Comment on se lance là-dedans? C'est quand même pharaonique. Au départ, c'est comme tous les projets, on se lance sans savoir jusqu'où ça va aller. Donc initialement, il y a eu énormément à cette époque de petites radios qui ont été lancées. Il y en a beaucoup qui ont périclité. Radio Fadjet a réussi à perdurer. Donc on a démarré dans une salle, on a mis des boîtes d'œufs au mur pour éviter les échos. On travaillait avec du matériel vraiment complètement amateur. On tenait l'antenne par la main. Enfin, c'est vraiment au début de la radio de proximité et de grande précarité. Et puis avec le projet, le fait que ça correspondait aussi à un projet de rendre compte de la vie des jeunes avec lesquels on travaillait, avec lesquels on essayait d'échanger, de donner un peu d'espérance, ce projet s'est continué. Mais si on nous avait dit que ça durer 30 ans, je pense que personne n'y aurait cru à l'époque. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté pour votre vie professionnelle, par exemple, ou autre? Alors, ça m'a déjà retiré quasiment tous mes anciens 33 tours. puisque à l'époque on n'avait pas de disques, donc on a tous amené nos disques et je crois que tous ceux qui ont mis des disques à Fadjet ne les ont jamais récupérés. Donc quand je pense à mes disques, je pense à Fadjet. Et puis qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est énormément de plaisir d'avoir d'abord démarré un projet novateur, faisait partie de cette vague des radios locales, l'occasion d'apprendre des techniques d'interview, des techniques d'émission. On a tous pris part à un certain nombre d'émissions qu'on a animé, qu'on a créé, auquel on a participé. Et puis c'est aussi une manière de rendre compte de notre foi, de notre espérance. Dès le début, Fadjet, ça a été un endroit aussi qui était dans un endroit d'accueil pour les jeunes. C'était un endroit de passage, c'était un endroit où on venait récupérer un peu d'énergie quand on était un peu au fond du trou. Donc la radio, elle était juste à côté de ce local-là. La convivialité, l'accueil, le respect un peu des autres, tout ça a été pour chacun d'entre nous quelque chose de riche et pour moi en particulier. Merci beaucoup Thierry Vincent. On va rejoindre Guy Lescane et puis Fabienne qui nous propose de faire un point sur l'origine même de cette belle aventure associative. Il y a Guy Lescane qui va entendre exactement ce que l'on est en train de dire. Est-ce que vous avez un petit message à lui passer? Bah oui, je le salue et puis je le remercie de nous avoir embarqués tous dans cette aventure, hein, parce qu'il a été la suite ouvrière du projet, il connaissait déjà bien les médias, donc on a pu partir en équipe avec déjà un expert, et puis c'est aussi toute sa passion pour la vie des jeunes, donc un grand bonjour, puis un grand merci à toi Guy. C'est plus que radio. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Solidaires, 30 heures de direct non-stop, voilà, chaque heure correspondant à une année. Là, nous sommes dans l'année 1985, l'année de création de Fadjet. L'invité d'honneur, c'est Guy Lescane, un des pères fondateurs, va dire. Thierry l'a bien redit, donc voilà, ton complice du démarrage, qui nous a reparlé de ce projet aussi avec des mots simples. Moi, j'ai retenu radio de proximité, donc ça, c'est toujours le cas, et radio de précarité aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de grands moyens, forcément, pour mettre en route un projet humain. Et puis qu'on a eu besoin, dans cette précarité, on a eu besoin de gens qui prennent des risques. C'est pas pour rendre hommage posthume, y compris à des gens qui sont aujourd'hui décédés, mais ça aurait pas été possible si le jour où on a reçu une lettre en nous disant que nous étions interdits d'antenne, puisque le projet qu'on avait déposé à la commission à Paris nous avait refusé l'autorisation. Et on a eu deux personnes qui ont écrit au ministère pour dire nous soutenons le père Guy Lescane dans son désir de ne pas arrêter l'antenne, de se mettre pour une parole hors la loi, parce que il faut que vous arriviez à l'écouter et à écouter son équipe. Mmh. Et c'est le proviseur du lycée Sifflé et c'est l'évêque de Nancy. L'un et l'autre, aujourd'hui décédés, ont pris leur plume. Et c'est-à-dire qu'on risquait un peu de leur notoriété puisqu'ils se mettaient avec moi hors la loi, puisqu'on a été un moment une radio hors la loi, il faut être tout clair, on était un moment une radio interdite. Et un moment, dans notre manière de ruser un peu, c'est que c'était le moment où on déménageait, on était à la rue des Ponts à ce moment-là, la radio a démarré au 63 rue des Ponts, et on a déménagé presque tout près d'ici, pas tout à fait là où est Fadjet, mais pas de l'autre côté de l'église Saint-Nicolas, et on s'est dit, si on va mettre l'émetteur sur le toit de Saint-Nicolas, il y a tout de même les CRS ou les autres, n'iront pas chercher l'antenne sur le toit, ils n'oseront pas sur le toit d'une église. Mmh. Et de fait, on a pu rester un moment hors la loi, puis après ça, on a été autorisé avec toutes les interventions qu'il y a eu. Mmh. Et puis, le deuxième gros soutien qu'il y a eu par rapport à cette précarité, sans ça, on n'aurait pas tenu. Hein. De la même manière, on ne peut pas tenir s'il n'y a pas des gens qui soutiennent. Je pense en particulier à Michel Dinet et André Rossino. Je les nomme. C'est-à-dire un qui était le maire de Nancy, l'autre qui était le président du conseil départemental, pas de la même couleur politique, mais qui tous les deux, non seulement ont donné les premières petites subventions qui nous ont permis de démarrer, et y compris d'emprunter pour acheter notre premier émetteur, puisqu'il nous était prêté le premier émetteur, et de créer ce studio avec ses coquilles d'œufs. Mais c'est déjà notre deuxième studio, puisqu'on en avait, je rappelle à Thierry s'il entend, qu'on avait déjà eu un premier studio avec pas de coquilles d'œufs, même pas. Et ces deux-là ont accepté non seulement un premier soutien financier, mais ont tous les deux accepté de venir répondre à une émission qui démarrait à ce moment-là, qui s'appelait « Une heure avec ». Et tous les deux ont répondu pendant une heure, comme je le fais aujourd'hui avec toi, aux questions qu'un affreux Jojo, c'était moi, pouvait leur poser sur leur vie politique, sur ce qu'ils croyaient, sur leur manière d'être avec les jeunes, sur ce qui les faisait vivre, ce qui les faisait douter, etc. Et je dis chapeau à ces hommes et femmes politiques, à ces hommes et femmes d'église, à ces hommes et femmes de l'éducation nationale qui nous ont soutenus. Sans eux, on n'aurait pas eu. Et pour l'instant, même si ça va faire beaucoup, excuse-moi, dans le studio, mais je les mets aussi dans les pères et mères fondatrices, les fondateurs. D'accord. Et bon, on pense à eux, bien sûr. Alors, c'est important ce que tu nous dis là. Oser prendre des risques, je crois que c'est vraiment d'actualité aussi aujourd'hui. Le risque de la rencontre aussi, le risque effectivement de monter un projet, de ne pas être sûr de savoir où ça va aller, hein, et puis d'avoir des gens petit à petit qui se rallient à ce projet-là et puis qui soutiennent. Tout seul, on ne fait rien, c'est en gros ce que tu nous dis là aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que toi, donc, tu es prêtre, on l'a bien entendu, hein, tu étais aumônier, tu es aussi sociologue et journaliste, hein, et tu nous parlais d'une heure avec. Donc ça, c'est voilà, moi j'ai une émission phare. J'ai une petite surprise pour vous, Père Gillescan. On a retrouvé un extrait. Alors, c'est pas celui-ci, malheureusement, parce qu'il aurait fallu fouiller bien plus longtemps que ça dans le grenier pour pouvoir retrouver le bon. Mais on a un extrait de l'émission Une heure avec, où c'est vous qui présentez. Et c'est assez intéressant. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Oui. Eh bien, on fait ça. Une heure avec Valérie. Une heure avec, vous avez entendu le jingle horaire. Eh bien, ce dimanche, vous étiez pile à l'heure s'il n'y a pas eu d'erreur, puisque la retransmission de cette émission du mercredi, on l'aura bien. Mais et ceux du mercredi, ne changez pas vos heures, on a 5 minutes d'avance. Ça, c'est grâce ou à cause de Valérie. Je ne sais pas toujours comment est-ce qu'il faut dire, si c'est grâce ou avec. Mais c'est parce que nous sommes avec Valérie. Vous allez découvrir petit à petit dans le courant de l'émission pourquoi est-ce qu'on a pris 5 minutes d'avance. Valérie, une de mes invitées, a eu une heure avec. Vous connaissez le principe de l'émission. Elle est unique, comme tous ceux qui passent ici. Unique, elle fait la une des journaux. On en page en 7e page où jamais personne n'en parle. Qu'importe, connue ou inconnue, noire ou blanche, jeune ou moins jeune, chrétienne ou non, qu'importe. Elle est là, dans le studio, pour répondre sans frime à mes questions et à vos questions. Vos questions, si vous le souhaitez, au 83 35 22 62. 83 35 22 62, ou en venant ici, dans le studio, au 49 rue Charles III, le mercredi, puisque cette émission est ouverte au public. Et le dimanche, ben, avec cette retransmission, que ça vous donne envie de venir la semaine prochaine au 49 rue Charles III. C'est maintenant le mercredi de 17h à 18h et le dimanche de 16h à 17h. C'est Thierry qui est sur la technique, c'est Étienne qui a assuré la programmation musicale, Bernadette qui a réalisé cette émission et Guy qui se retrouve au micro. Et c'était en 1985, le Père Gillescan avec l'émission Une heure avec. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et en 1985, un groupe de rock comme les Guns N' Roses venait de naître. On les connaît surtout pour cette chanson « Knocking on Heaven's Door ». Les Guns N' Roses sur Fadjet avec Knocking on Heaven's Door. Nous sommes partis pour 30 heures de direct non-stop. De retour sur Fadjet, nous vous proposons de reprendre le cours de notre interview. Il est 9h39, très exactement. Et nous avons un invité surprise, Fabienne. Exactement. Donc, on rappelle, on est en 1985, hein, année de démarrage de Fadjet. Et on va retrouver tout de suite un, on va l'appeler comme ça, un bénévole de la première heure. On peut le dire comme ça. Il s'appelle Stéphane, Stéphane Lhermitte. Salut Stéphane. Bonjour Fabienne. Comment tu vas? Alors, on te retrouve. Bonjour Stéphane. Tu t'entends? Voilà, t'as reconnu la voix. Pas de souci. Hein. Tu nous appelles d'où là? Parce que t'es pas avec nous en direct dans les studios. Tu es par phoneur. J'appelle d'Alsace, où j'ai pris un petit moment pour aller dans un lieu au calme sur mon lieu de travail. Et voilà, donc tu prends le temps de nous répondre alors que tu es en plein travail. Alors Stéphane, dis-nous un peu comment toi, tu as découvert ce beau projet Fadjet, comment tu y es arrivé? Je connaissais Guy depuis un certain nombre d'années, et puis je suis originaire de Normandie, et puis j'ai terminé mes études en allant faire une école d'ingénieur à Nancy, et donc logiquement je suis arrivé vers l'aumônerie et vers la radio qui était en train de se construire. D'accord. Donc toi, c'est l'aumônerie qui t'a amené, en gros, un peu à la radio. Tu faisais pas trop d'antenne, toi, à l'époque, hein ? Il y a quelques années auparavant, j'avais participé à la construction d'une radio locale sur mon village. D'accord. Mais elle avait vécu un an ou deux et ça s'était arrêté. Donc avant l'expérience de Fadjet ? Avant l'expérience de Fadjet, oui. D'accord. Et donc toi, tu es venu à Fadjet, donc on parle de Fadjet, la radio, beaucoup, mais c'était aussi un lieu d'accueil. Thierry, Vincent et Guy l'ont bien réexpliqué aussi, un lieu où on pouvait rencontrer d'autres, voilà, se poser aussi, se ressourcer. Donc toi, tu es venu là aussi, à la fois pour des rencontres d'aumônerie, et puis aussi dans cet esprit et cette envie de rencontrer d'autres jeunes. Absolument. C'était un lieu que je considérais unique en son genre, un lieu où on pouvait venir à tout moment et rencontrer des gens et être ouvert aux autres, rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait nullement ailleurs. Et pour moi, ça avait du sens. Ça avait du sens. Alors, qu'est-ce que ce passage, justement, par cette expérience, cette aventure Fadjet, ça t'a apporté dans ta vie de jeune à l'époque, mais encore aujourd'hui, dans ta vie d'homme? Dans ma vie de jeune, ça a été, je dirais, vraiment un lieu de rencontre unique et presque inespéré. Il faut des gens qui aient de l'intuition pour faire des choses comme ça. Donc j'étais vraiment heureux au moment où j'y étais, que ça existe, tout simplement. Et 30 ans après, je suis encore tout simplement heureux que ça existe encore. D'accord. Et alors pour toi, un mot, s'il y en a un, parce que c'est compliqué une question comme celle-là, qui résumerait le mieux, qui caractériserait le mieux Fadjet, pour toi personnellement? Tel que je le perçois, je mettrais deux mots, je mettrais sens et humanité. Sens et humanité. Alors, Guy est dans les studios. Oui. Un des pères fondateurs de Fadjet, pour ne pas dire le, parce qu'à chaque fois que je dis le père fondateur, je me fais gronder. Mais voilà. Et voilà, je sais que c'est quelqu'un qui compte aussi pour toi. Et si tu avais un petit mot à lui dire aujourd'hui, à part bonjour, ce serait quoi? Bonjour Guy. Oui, bonjour Stéphane. Tout heureux de t'entendre comme ça. C'est un beau cadeau. C'est la première fois de ma vie que je passe en direct à la radio. Ah bah alors ça, on est ravis que ce soit sur notre antenne, Stéphane. Vraiment, je suis vraiment très heureuse. T'as pas fait une heure avec, toi? Non, j'ai jamais... J'ai toujours été dans les coulisses de la radio, mais jamais à l'antenne. Mais qui l'eût cru 30 ans après? Quand tu reprendras une heure avec, il faut inviter Stéphane. Oui, donc un petit message éventuellement, alors à la fois à Guy et éventuellement pour la suite aussi de ce projet Fadjet. 30 ans après, même si j'habite plus à Nancy, c'est toujours une grande joie pour moi de voir que Radio Fadjet existe encore. Donc, je lui souhaite vraiment longue vie. Ouais. D'autant plus qu'une fois, lorsque j'étais dans la presse locale, j'avais vu une presse nationale, je ne sais plus, j'avais vu un article du président de Fadjet, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, qui expliquait à l'époque les risques liés au passage au numérique et les risques de survie même de la radio à cause des coûts induits. Et là, franchement, je me suis dit, j'espère que ça va continuer quand même. Ça continuera. En tout cas, on fera tout et on voit bien. Et aujourd'hui, ça existe toujours. Et donc, pour moi, c'est une grande joie de voir que Fadjet existe aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, merci. 30 ans après. 30 ans après. Tu imaginais, toi, au moment où tu étais jeune, étudiant, que tu allais dans cette petite radio locale de proximité, que 30 ans après, tu interviendrais en direct sur l'antenne, que ça, ce pas projet-là durerait 30 ans. Pas du tout. Pas du tout. Là, tu manques d'imagination, Stéphane, ça ne va pas être. Et ben voilà. Donc tu, bon, alors, imagine que tu reviens bientôt, alors, hein, nous dire bonjour. Exactement. On a hâte de te voir en vrai à Fadjet. D'accord. D'accord. En tout cas, on va te laisser aller retravailler. Tu fais quoi comme travail aujourd'hui ? Je travaille dans l'informatique. Dans l'informatique, voilà. Et je sais que tu as rendu de grands services à Fadjet aussi, au est-ce démarrage de Fadjet, parce que... Est-ce que je peux vous raconter une anecdote ? Alors vas-y, plaisir, vas-y, carrément. J'avais zappé cette question-là, mais vas-y. En fait, au début, il s'est passé quelque chose de rigolo, donc j'intervenais comme conseiller technique à la radio. Ouais. Et puis, un élément critique, un élément important dans la radio, c'est l'émetteur. Donc l'émetteur, il était situé en haute église. Et puis, Guy me disait il y avait des problèmes, que l'émetteur marchait mal, que à un certain moment, Fadjet n'émettait plus. Et donc, à cette époque-là, j'avais terminé mes études, je travaillais sur Paris. Et la semaine, j'étais à Paris, et puis le week-end, je venais sur Nancy. Et il m'explique les problèmes, et on se demande comment arriver à résoudre cette panne. Et on a mis en place un plan, c'est-à-dire que je suis venu le week-end à Nancy. Le dimanche soir, on a arrêté l'émission de Fadjet, donc Fadjet n'émettait plus. Je suis parti avec l'ampli pour le faire réparer sur Paris. Donc à 22h, 23h le dimanche soir, j'étais chez quelqu'un chez qui je le déposais. Pendant une semaine, Fadjet n'a pas pu émettre. Ah oui, quand même. Quand même, oui, c'est ça. C'était un peu difficile. C'était un peu difficile puisque Fadjet. Oui, mais c'est aussi une maison, Fadjet. Donc ça a continué à accueillir des jeunes, je suis sûr. Oui. J'ai passé ma semaine. Ils ont regardé l'ampli. Et puis, rebelote, le vendredi soir suivant, vers 18 ou 19h, je ne sais plus, je passe chez la personne pour récupérer l'ampli réparé. Et alors, la personne m'a fait une copieuse réprimande en me disant « cet ampli marche parfaitement, s'il ne marche pas, ça veut dire que vous le mettez en court-circuit, faut apprendre à vous servir de votre matériel, monsieur. » Bon, d'accord. Merci. Et là, tu as dit « merci Guy ». C'est ça un peu. Parti et je suis reparti d'accord. Avec l'amplificateur. Donc une semaine de blanc d'antenne sur les ondes de Fadjet, en fait pour rien, parce que ça marchait correctement. Et Guy nous avait avoué juste avec son coup d'avoir fait une minute. Mais alors là plus on avance dans l'émission, plus on découvre des choses. En tout cas, un grand, grand merci à toi, Stéphane, pour tout ce que tu as amené aussi à Fadjet, tes compétences, ta bonne humeur aussi, tout ce que tu étais. Parce qu'effectivement, Guy le rappelait, il faut aussi des compétences techniques. On est quand même une radio et qu'il fallait des gens aussi qui puissent nous aider à faire fonctionner cet outil-là. Donc, tu en as fait partie et puis... Et puis, tu as participé à plein de beaux projets aussi à Fadjet. Et puis, on va continuer, promis, à essayer de faire en sorte que Fadjet continue à être une radio et un lieu qui a du sens et qui prône vraiment les relations entre les gens. C'est un petit peu ce que tu nous as dit. Merci Stéphane. À vous. À très vite. Bon anniversaire à Fadjet et à bientôt. Merci à toi. Merci. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Nous revoilà à l'antenne avec difficultés du... Florent, tu vois, tu te moquais de Guy, tu te moquais de Stéphane, mais là, tu viens de nous faire exactement la même chose. Mais ça, c'est pour fêter l'anniversaire de Fadjet. Voilà, c'est ma façon à moi de faire un petit peu d'originalité. Bah voilà. Et c'était pour voir si vous étiez bien attentifs tous, et c'est le cas. On était bien là. Alors, tu nous proposes quoi ? Oh bah, musique ? On peut faire de la musique, on peut écouter de la musique, on peut découvrir la chanson des Restos du Cœur qui est sortie en 1985, puisque je vous le rappelle, c'est aussi cette année-là qu'il fallait combattre la faim, non pas qu'en Éthiopie, mais aussi en France d'ailleurs. Et vous le verrez, on a pas mal d'interviews, notamment celle de l'abbé Pierre, ce qui n'a pas forcément de rapport avec les enfoirés au premier abord. Mais on a reçu beaucoup de monde au sein de Fadjet et ce sera dans quelques instants que vous pourrez avoir ces témoignages-là. Je vous rappelle juste qu'on est parti pour 30 heures de direct non-stop et on fait une petite pause musicale avec les enfoirés et on revient juste après. Ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Les Restos du Cœur, c'était en 1985, l'association de Coluche. Nous sommes en direct pendant 30 heures. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Les Restos du Cœur, aussi un projet qui ne devait durer que quelques années, qui est encore bien présent aujourd'hui. Alors, on revient en studio pour évoquer cette année 1985, l'année de création de Fadjet. On retrouve notre invité d'honneur, Guy Descannes, père fondateur de Fadjet. Alors, est-ce que toi, tu imaginais que ce projet pourrait durer 30 ans quand tu l'as fondé en 85? Tu sais, quand on a une espérance, on ne lui donne pas forcément une limite. Et je ne peux pas dire non, je ne l'espérais pas. Si, je crois que je l'espérais. Je ne l'espérais pas pour 30 ans. Je l'espérais pour que ce projet puisse grandir et se développer avec le sourire quand tu parles de père fondateur. C'est un peu comme une paternité. Une paternité, quand un enfant il grandit, ben on est heureux de le voir grandir, y compris quand il grandit autrement que ce qu'on avait imaginé. Mmh. Alors donc, je n'imaginais pas que ça soit aujourd'hui de cette manière-là. J'imaginais honnêtement pas que ça soit aussi bien. Mais c'est de le voir grandir et de le voir se développer et de le voir prendre son autonomie, qui me semble être une des grandes joies qui, je crois, était à sa manière au départ. Alors, on entend bien ce que tu nous dis, heureux que ça puisse continuer aujourd'hui. Est-ce que tu as tout de même des regrets par rapport au projet que tu as fondé, à ton projet, ton idée de départ avec d'autres, hein, on le redit, mais en 1985, est-ce que tu as des regrets du projet Fadjet aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui lui manquent? Voilà, parce que ça peut nous aider aussi. Et je sais que tu es souvent à nos côtés pour nous redire des choses gentiment. Et voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent aujourd'hui au projet de Fadjet, d'après toi, et lesquelles? Je ne peux pas dire que ça manque. Parce que je ne suis pas un auditeur 24 heures sur 24 de Radio Fadjet. Ah bon? Il m'arrive d'avoir quelques autres petites choses à vivre. Mais c'est plutôt un désir. Pourvu qu'avec les moyens qui sont les nôtres, aujourd'hui comme hier, on ait l'audace d'aller tendre le micro dehors. Mmh. Vous le faites sur le parvis de la cathédrale. Pourvu que ça puisse continuer, je souhaiterais pour ma part que ça puisse se faire à votre manière, à vous, dans les lycées aujourd'hui, en particulier dans les lycées professionnels. Je souhaiterais que des jeunes puissent avoir la parole sur le parvis de Saint-Georges, où je me retrouve souvent, qu'à la NPE qui puisse se retrouver et que le micro soit là-bas et pas simplement d'attendre qu'ils viennent ici. Tant mieux que la maison, comme tu dis, puisse être une maison qui soit ouverte, mais pourvu que ce soit une maison à ce point ouverte, comme dirait le pape François, que vous osiez aller aux périphéries encore plus. Mmh. Les périphéries, c'est-à-dire d'aller tendre le micro et d'aller être étonné et de prendre les risques de donner la parole. Je me souviens en particulier, pas avec nostalgie, d'une émission qui m'a passionné avec toi et avec d'autres, mais je pense aussi à Thierry qui y était, c'est quand vous étiez dans les cours même du lycée. J'étais à ta place, là, dans le studio, et il y avait un dialogue en disant, un peu comme ce que Florent fait quand il est sur le parvis de la cathédrale, en disant « Mais de quoi tu voudrais parler ?» Et puis, notre rôle d'intervieweur, c'était pas de leur faire dire ceci ou cela, mais c'était de les aider à aller au plus profond de ce qu'ils sont capables de dire en quelques minutes, et puis de l'accompagner avec une musique, pourvu que la musique soit toujours au service de cette expression-là. Cette belle émission qui était Info Bahut, hein, on ne va pas faire dans la nostalgie, oui. Mais effectivement, on entend bien, Guy, et effectivement, c'est quelque chose peut-être à développer, d'être encore plus à l'extérieur et pour tendre le micro. Donc ça, petit clin d'œil à Florent. On va se retrouver prochainement sur le parvis de la cathédrale. J'imagine, ce sera avec plaisir. Voilà. En tout cas, un grand, grand merci, Guy. On pourrait rester des heures à t'écouter. Et voilà, mais il y a d'autres émissions, puisqu'il y en a 30 qui vont se succéder. Flo, on retrouve qui dans quelques instants? Alors, dans quelques instants, c'est Olivia qui mène l'émission Demain de Maître. C'est une émission sur l'artisanat d'art. Et il y a de nombreux invités. Il y a beaucoup de choses dont on va parler. Je vous invite vraiment à rester avec nous. Et puis, évidemment, on suit le fil de nos 30 heures d'émission, toujours avec des témoins et puis des extraits d'émission. Exactement, donc on voit que les invités se préparent dans le couloir, on va leur laisser la place. Mais je voulais te dire un immense merci, Guy, d'avoir passé 7 heures sur l'antenne de Fadjet, de nous avoir rappelé ce qu'était le projet de Fadjet, comment cette radio était née, ce projet de rencontre aussi, et de paroles données aux jeunes pour que des jeunes puissent la donner à d'autres. C'est un petit peu ce qu'on retiendra de ce que tu nous as dit. Un grand, grand merci à toi, et puis aussi un grand merci de suivre encore aujourd'hui un peu le projet de Fadjet et d'y être attaché. Bravo à toutes les équipe et merci à toi Fabienne. Eh ben c'est parti Florent. presque 10 heures. On va presque 10 heures. Ça passe vite, on a déjà passé une heure ensemble. C'est donc ça qui est l'année 85. Eh ben elle est passée. Tout à fait, voilà, on va tranquillement. C'est le nouvel an, là, si on peut dire ça comme ça. L'année 1986, et on va laisser Olivia et ses invités prendre la place. Merci, Florent. Ben merci à toi, Fabienne. Merci au père Guillescane et puis à Stéphane Lhermitte d'avoir témoigné. Vous savez que tout au long de ces 30 heures, on va avoir de nombreux témoignages, on va avoir de nombreux extraits d'émissions emblématiques. On va avoir beaucoup de choses à faire ensemble. On vous invite à venir nous voir si ça vous intéresse. Et puis, sachez que nous, on va souffler nos bougies demain sur les coups de 15 heures quand on aura fini nos 30 heures de marathon de radio. Vous êtes avec nous sur Radio Fadjet 94.2 FM. Nous sommes le vendredi 20 novembre. Fadjet a 30 ans aujourd'hui même. Et puis, 30 ans d'ondes solidaires que l'on veut partager avec vous. Restez bien sur l'antenne de Fadjet.